boys and girls, this is Rip and Roach. Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle heure de Pop and Rock. Allez, on commence avec ça. Le petit gimmick de Owl Nation est revenu ce soir pour nous présenter notre nouvelle émission. Allez, encore quelques secondes de Owl Nation. Après donc le gimmick que j'adore, qu'on écoutera encore souvent dans Pop and Rock, la soirée est consacrée à mon univers musical, comme d'habitude, mais pas de thème particulier. On enchaîne donc un deuxième morceau. On écoute la belle Meg Myers, vous savez, celle qui reprend Kate Bush. Mais là, c'est un morceau à elle qui s'appelle Desire. On écoute tout de suite Meg Myers. Thank you. s'appelle Meg Myers. Et écoutez, finalement, si, un petit thème qui durera pas trop longtemps. Le thème qui arrive, c'est donc Kate Bush, puisqu'après avoir écouté Meg Myers, qui avait repris un morceau de Kate Bush, on va enchaîner avec du bon gros rock, le rock de Placebo, mais qui reprend le même morceau que Meg Myers de Kate Bush. Le morceau s'appelle Running Up That Hill. On écoute Placebo. Come on, come on, darling. merci à Brian Bolko et à ses placebos pour cette magnifique reprise de Kate Bush. Et on enchaîne avec, vous savez, ce genre de groupe pour lesquels on connaît la chanson, on connaît l'air du refrain, on connaît quelques paroles, mais impossible de remettre un titre ou un nom sur le groupe ou sur le morceau. On écoute donc à présent Band of Horses, ça c'est le nom du groupe, et le morceau s'appelle The Funeral. Pas de thème dans pop and rock, quand même une certaine couleur musicale, puisqu'on est bien dans l'Amérique profonde du rock avec des guitares, de belles voix, et on enchaîne donc avec Everlast. Alors je ne sais pas si vous connaissez Everlast, ce mec capable de nous faire des intros à la guitare de fou, de se faire accompagner par Santana, mais également de faire du rap. Mais moi, c'est pas ça que je vous propose ce soir. On écoute Everlast, Put Your Lights On. Sinners, put your lights on, put your lights on. Hey now, all you lovers, put your lights on, put your lights on. Put your lights on. Hey now. my soul. Still got a purpose to serve. So let your light shine deep into my home. Thank you. après The Royal Blood, le groupe, le duo anglais sponsorisé par Arctic Monkeys avec le morceau à l'instant Come On Over, on file sur la route de Tom Petty et de ce cœur brisé avec le morceau Refugee. About it. Ain't no real big secret all the same, so now we get around. We'll be right back. mercredi. L'anglais des Immaculate Fools, le seul anglais à l'accent écossais. On va foncer maintenant 2019, donc l'année passée, avec le dernier morceau de The Lumineers. Le morceau s'appelle Life in the City. See you. see Manhattan for once. I knew the dream had died, JMZ line, Myrtle and Broadway. But I'd be glad to see Manhattan for once. Whoa, whoa, living life in the city. Whoa, whoa, it will never be pretty. Aller dans Pop and Rock sur RVR, et là on va faire notre petite découverte de la soirée avec un groupe que je ne connaissais pas, The Unlikely Candidates, avec un morceau qui s'appelle Novocaine. Novocaine, I keep it coming so I feel no pain. I tell my girl that I'ma change my ways. She knows I'm never gonna change. Same old shit running my mouth until she busts my lip. So many problems, you can take your pick. I know I'm never gonna change. I am what I am, I know what I know. I'll let you down if you let me too close. I am what I am, know what I know. You catch me running away. Spent all my money soon as I got paid. I should know better, but you know I. if you let me too close. I am what I am, know what I know. You catch me running away, then you'll know. I am what I am, know what I know. I'll let you down if you let me too close. I am what I am, know what I know. You catch me running away, then you know. Candidat malheureux bourré à la Novocaine, on va foncer vers nos habitués de parquet courts avec leur rock made in 70s. Over my history and how it's sequenced. When I think about you, I see a person who hasn't existed for a long time. Before you started using, before I started choosing to do the same thing for the same reasons. The first name I called you is not a name at all, more of a duty than a function. That speaks inside, I know where I got my brain from. grosse la pousse fort avec les Kiwis du métal alternatif, les filles de Nouvelle-Zélande. Vous les avez peut-être connues puisqu'on les a écoutées il y a 15 jours. Elles veulent tout révolutionner, sauf que dans Pop and Rock, faut pas se faire d'illusions, c'est moi qui choisis. C'est la fin du 61e opus de Pop and Rock sur RVR. Pour se quitter, on va retrouver deux de nos habitués, deux groupes estampillés Pop and Rock. Tout d'abord, Karl Barat et ses Chacals, suivi de Dandy Warhol. Allez, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Bis à tous. Fire for the souls of the wicked and the dull. The feeling they annul, that was your life. Try this for size. They weren't too bothered when the last one